no confies, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas-côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je ok. Traite-tu de base, t'as adouci le bail. Comment faire, je deviens tête en l'air. J'ai plus le contrôle. Traite-tu de base, comment faire, je deviens tête en l'air. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini one ten, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini one ten, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Depuis ta venue, j'ai changé. À la Bonnie and Clyde, c'est validé. T'as tapé dans le mille de mon cœur. Je finis la vie avec toi. Suis-moi, tu verras. Ça deviendra illégal. Toi et moi, en bagaille. Et confiance, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tes ex, les ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. T'as dit tes ex, les ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. Ah oui, la